بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous sommes arrivés donc dans le sixième chapitre du livre après avoir fini le cinquième chapitre qui était باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله, donc le chapitre de l'appel à التوحيد, de l'appel à cette shahada et à son sens, comme on l'a vu donc dans le hadith, entre autres, d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen et qu'il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ وَأَوَّلُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَفِي اللَّفْظِ وَفِي رِوَايَةِ إِلَّا أَنْ يُوَحِيدُ اللَّهِ. Donc, la première chose à laquelle tu vas les appeler, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à Mu'adh en disant ces mots, la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est à la shahada, que nul autre qu'Allah jalla wa ala ne mérite l'adoration. Donc, la ilaha illallah. Dans la première riwaya qu'il a cité le shaykh, il a cité, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cette shahada par ces mots, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Et dans l'autre riwaya, donc qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou dans Kitab Tawhid, donc dans le dernier chapitre de son livre, il a أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. On a dit أَنْ مَصْدَرِيَ وَيُوَحِدُ فِعْلْ مُضَارِحِ فَأَنْ وَالْفِعْلْ فِي التَّأْوِلِ مَصْدَرْ يَعْنِي إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ. Pour remplacer le أَنْ وَيُوَحِدُ par le مَصْدَرْ, c'est ce qu'on appelle ta'wil masdar. Il est tawhid illah. Donc, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَّا تَوْحِيدِ اللَّهِ ou تَوْحِيدِ اللَّهِ. Donc, il y a directement ici un lien avec le chapitre qu'on va lire, qu'on va commencer à lire aujourd'hui, incha'Allah, puisqu'on va voir ce chapitre-là, chapitre numéro 6, le shir il l'a dédié à l'explication de ces mots-là, de kalimat al-ikhlas, kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, à l'explication du tawhid, qu'est-ce le tawhid. Et dans ces riwayas-là qu'on a vu dans le hadith d'Ibn Abbas concernant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mu'adh au Yémen, on a vu que lorsqu'on réunit ces différentes riwayats, on voit que ce qui est voulu par ces mots-là, au final, c'est la connaissance et l'application de son sens, qui est donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et le désaveu du shirk, de toutes sortes de shirk, le désaveu de toutes sortes de divinités, adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra aussi que ça implique le désaveu de celui qui ne réalise pas le sens de cette shahada. Donc le chapitre numéro 6, bab tafsir at-tawhid, bab tafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Donc le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Le cheikh Ibn Qasim il dit عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول. Ici, on voit que dans le titre, le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il a annexé ou pas annexé, mais il a lié par le waw le mot التوحيد et le mot شهادت أن لا إله إلا الله. Il dit que ça, c'est عطف الدال على المدلول. Dal, ce qui est voulu ici par dal, c'est les mots. Shahadatu an la ilaha illallah. Ça, c'est dal, c'est-à-dire al-lafz. Encore une fois, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah, ont cité cette shahada, soit par ses mots, soit par son sens. Ça, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les gens du shirk, ou les gens du moins, même les ulama du shirk, et les gens qui s'attribuent à l'islam, et qui vont rejeter le fait qu'une personne puisse être mushrika, mushrik, ou kafir, parce qu'elle prononce ces mots-là, et que ces mots-là la protègent de pouvoir sortir de l'islam, leur plus grande choubaha, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commet du shirk, comme le shir le dit dans le shir Mohammed rahimahullah lui-même, dans son livre Keshf al-Shubuhat, il dit que la plus grande choubaha qu'ils ont, c'est ça. Le fait que ces mouchrikines-là qui commettent des actes de shirk ou qui disent des paroles de shirk, c'est des gens qui disent La ilaha illallah. Et ils s'accrochent à tous les textes qui disent que celui qui dit La ilaha illallah, son sang est haram ou qu'il rentre au paradis, etc. Les hadiths connus. Et donc, ici le but, c'est de montrer que ce qui est voulu, ce qu'Allah il a voulu par cette attestation, c'est le fait de la prononcer, certes, puisque l'entrée en islam d'une personne, d'un quelqu'un qui est kafir asli, quelqu'un par exemple qui est juif, chrétien ou athée, ou adorateur de statues, comme c'était le cas de Quraysh, ou un bouddhiste qui rentre en islam, il ne rentre en islam qu'en prononçant les deux shahadas. On n'accepte pas son islam que s'il prononce ces deux shahadas. Donc, le fait de les prononcer, c'est quelque chose qui est voulu. Et on a dit que c'est une condition dans la validité de la foi, puisqu'on a dit que l'iman, qawl wa amal. Qawl wa amal est dans le qawl, on a qawl ul lisan. L'ulama y rentre dans la parole de la langue, le fait de prononcer les deux shahadas. Comme ça vient dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple: Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. M'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils prononcent, qu'ils disent cette shahada-là. Mais ce qui est voulu au final, comme le montre le Coran et la Sunna, c'est la connaissance de son sens et sa mise en application. On avait cité déjà quelques exemples. Comme dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où Allah jalla wa ala, il dit: وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Donc, nous n'avons envoyé avant toi de messager sans lui avoir révélé La ilaha illallah. Donc là, Allah jalla wa ala, dans ce verset-là, il cite cette shahada par ces mots, ou dans plein d'autres versets, yani, qu'on avait déjà cités. Et on retrouve à peu près le même verset, le même sens, sauf que dans ce verset-là, donc dans le verset de Sourate An-Nahl, Allah Jalla wa Ala, il cite cette shahada, mais par son sens. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin qu'il dise aux gens, qu'il appelle les gens à adorer Allah et à s'écarter du taghout, à s'écarter de l'adoration du taghout, comme ça vient dans l'autre verset, et ceux qui s'écartent du taghout en ne l'adorant pas. Et donc on voit que, et on va le voir encore dans ce chapitre-là, que ce qui est voulu, c'est les mots, mais aussi c'est aussi son sens et la mise en application de son sens. Et que le fait de prononcer les mots sans en appliquer le sens, ça ne profite en rien à celui qui la prononce, même s'il la prononce 100 fois, 1000 fois par jour. C'est pour ça qu'ici, c'est important de. Il dit: Atfu shahadati ala tawhid min atf ad-dal ala al-madloul. Donc, ad-dal, c'est al-lafz, c'est les mots. Ou al-madloul, c'est le sens. C'est-à-dire que le tawhid, c'est le sens de la shahada de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ces mots-là, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire le tawhid. Jade. C'est pour ça qu'il poursuit en disant: فَإِنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَمَدْلُولُهَا مُطَابَقَةً مُطَابَقَةً. Donc le tawhid, c'est le sens de cette shahada, c'est le sens de la ilaha illallah mutabaqatan. Mutabaqatan. On se rappelle que l'indication d'un mot, on a plus que qu'un mot, il peut vouloir dire plusieurs choses en fonction de la manière dont on l'explique, ou de la manière où il a plusieurs indications. On avait déjà cité ça dans le Wasitiya, Ou ce qu'on appelle dilalat al-alfaz, elles sont de trois sortes. L'indication d'un mot, il est de trois sortes. On avait parlé de l'mutabaqa, ou de tadammun, ou l'iltizam. L'mutabaqa, c'est l'indication d'un mot sur l'ensemble de son sens. Tadammun, c'est l'indication d'un mot sur une partie de son sens. Et l'iltizam, c'est l'indication d'un mot sur quelque chose d'autre, qui est extérieur à son propre sens, à lui. Et donc ici, ce qu'il nous dit, donc on avait cité dans le Wasitiya des exemples pour comprendre ça. Par exemple, on avait dit que al-lafz al-alim, Allah Jalla wa Ala, on sait qu'il a comme nom al-alim, par exemple. Al-alim, on avait dit que ça indique bil-mutabaqa يدل على الذات وعلى صفة العلم. العليم, ce nom-là, Allah Jalla wa Ala s'appelle العليم, ça nous indique deux choses. Ça indique le ذات d'Allah Jalla wa Ala et ça indique sa sifat qui est العلم, la science. La science totale, parfaite. Ça, c'est bil-mutabaqa, c'est-à-dire c'est l'indication de ce nom-là, al-alim, sur l'ensemble de son sens. Donc, il indique deux choses, bil-mutabaqa, al-dhat wa al-sifa. Si maintenant, on peut donner un exemple concernant dilalat al-tadammun, on va dire al-alim, yani ismun yadullu ala dhat wahda, bi-tadammun. C'est-à-dire que ce nom-là, al-alim, il indique le fait, le sens qu'Allah Jalla wa Ala, il a, ça indique le dhat d'Allah Jalla wa Ala, ça indique que le dhat. Bitadammun. C'est-à-dire que ce mot-là, Al-Alim, bitadammun, on va dire qu'il nous indique une partie du sens du mot Alim. Parce qu'on a vu que la totalité du sens, c'est dhat et c'est l'ilm aussi. Nous, là, ce qu'on veut, bitadammun, ça nous indique qu'une seule partie de son sens total, global. Et l'iltizam, on avait dit par exemple que Allah Jalla wa Ala c'est aussi Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est lui Allah Jalla wa Ala qui crée. Et on avait dit que Al-Sifat ou Al-Khaliq yadullu, mathalan, ismun yadullu ala Al-Ilm bil-Iltizam. Al-Ilm ou Al-Qudra bil-Iltizam. C'est-à-dire le fait qu'Allah Jalla wa Ala il est comme nous Al-Khaliq et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a comme sifat la création, le fait de créer à partir de rien. Ça nous indique bil-iltizam, par implication qu'Allah Jalla wa Ala, il détient une science et une puissance parfaite. Il est doté de science et de force, de puissance pour pouvoir créer. Il ne peut pas créer sans science et sans force, sans puissance, sans qudra. Donc, sifat al-khalq, yadullu ala sifat al-ilmi, ou sifat al-ilmi, ou sifat al-qudra, bil-iltizam. La bil-mutabaqa wa la bil-tadammun. Ici, c'est pour ça qu'il nous dit que le tawhid, c'est-à-dire le fait que seul Allah Jalla wa Ala mérite l'adoration, et que toute autre adoration, et que toute autre divinité en dehors de lui est rejetée. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah bil-mutabaqa. Le sens complet de cette shahada-là, c'est deux choses. Al-nafi ou al-ithbat. Le fait de rejeter le fait qu'un autre qu'Allah Jalla wa Ala, qu'une autre divinité mérite l'adoration, et d'affirmer que lui seul la mérite. C'est deux choses, al-nafi ou al-ithbat. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah bil-mutabaqa. C'est pour ça que des fois, on entend des gens dire, quelqu'un qui dirait par exemple, le sens de la ilaha illallah, c'est la hakim illallah. C'est-à-dire, il n'y a de juge, il n'y a de législateur qu'Allah. Quelqu'un vient et nous dit, le sens de la ilaha illallah, c'est la hakima illallahu. C'est le sens de cette shahada, c'est de témoigner que seul Allah mérite. Il a le droit de juger et de légiférer, de juger entre les gens, d'émettre des jugements entre les gens et de légiférer des lois. Est-ce que cette affirmation, elle est juste? Cette affirmation, elle peut être juste s'il vise l'indication bitadammun. Bitadammun. Allah Jalla wa Ala, on a déjà dit, il est le ma'boud, il est l'ilah. Il est celui qui mérite l'adoration parce qu'il est, il est, parce qu'Allah Jalla wa Ala, il a des sifat de perfection. Il a des actes où il est le détenteur de où il est décrit par, il se décrit lui-même par des actes et par des sifat de perfection. Et de par là, il mérite l'adoration. Et donc, le fait qu'il mérite l'adoration, ça englobe, yani bitadammun, ça englobe le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est des sifat de perfection. Et parmi ces sifat-là, on sait qu'Allah jalla wa ala, il s'appelle al-hakam. Il a comme sifat al-hukum. Donc, si on dit la ilaha illallah, tadullu ala, yani la hakim illallah, bitadammun, ça c'est juste. Par contre, si on dit que la ilaha illallah, ça veut dire la hakim illallah bil mutabaqa, ça c'est batil. Ça c'est batil, c'est une bid'a. Parce que l'ilaha là-bas, c'est le ma'boud. Le fait qu'Allah jalla wa ala, il soit ma'boud, il soit l'adoré, la seule divinité, ça englobe le fait qu'il possède des noms et des attributs de perfection. Et parmi ces noms, il y a le hakam, et parmi ces attributs de perfection, il y a quoi? Le hukum, ou le hikma. Comme on l'avait vu dans Al-Wasitiyya. Ça, c'est pour rappeler, c'est, comme on l'avait dit, ces indications-là, ce qu'on appelle dalalat ou dalalat al-asma, ça revient à peu près dans tous les ilms. Dans tous les ulum de la sharia, qu'on lise dans le fiqh, qu'on lise dans l'aqidah, qu'on lise dans le tafsir, dans le hadith ou quoi, vous allez toujours voir dans les paroles de l'ulama, toujours al-mutabaqa, watadammun, wal-iltizam. Ça, on retrouve toujours. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre bien comme il faut ce que ça veut dire pour pouvoir comprendre la parole de l'ulama. Donc là, il dit, فَإِنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَمَدْلُولُهَا مُتَابَقَةً. C'est-à-dire, mutabaqatan, que le tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah, son sens complet. Ça indique de manière complète, ça nous donne une indication complète, totale du sens de la ilaha illallah. Pas partielle, et pas par implication. Pas tadammun, pas l'iltizam. Ya'ani, il dit, ya'ani, bab, بيان إيضاح التوحيد توحيد الإلهية والعبادة لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب Donc ici c'est le sens du titre du chapitre, c'est le chapitre de بيان إيضاح التوحيد, c'est-à-dire le fait d'expliquer le sens du tawhid. Et ce qui est visé ici par le tawhid, c'est le tawhid al-ilahiyya ou al-ibada ou l'uluhiyya ou l'qasd, c'est-à-dire c'est le tawhid dans l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est ce que le shir il a visé en écrivant son livre Kitab al-tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le titre complet, c'est montrer, expliquer le tawhid dans l'adoration et ce qu'il le contredit parmi les sortes de shirk dans l'adoration. Ça, c'est le sujet principal de son livre, même s'il y a certains chapitres sur les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala, ou des choses qui concernent le tawhid dans sa seigneurie al-Rububiyya, comme certains chapitres sur Al-Iman bil-Qadar. Mais globalement, ça concerne le tawhid dans l'adoration. أبيان مدلول الشهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سوى Et donc l'explication de cette shahada, du sens de cette shahada et de ce qu'elle contient comme négation et comme affirmation mutabaqatan. C'est-à-dire que le sens de cette shahada, elle indique bil mutabaqa, encore une fois, deux choses. Al-nafi wal-ithbat. comme on l'a dit avant et comme il va le détailler encore dans le chapitre. وَمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَهُ. Et ce qu'elle comprend, cette shahada, d'indication sur l'ikhlas, sur le fait de vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, si on voit bien, il a utilisé quoi comme mot? Tadammanathu. Etadammun. Parce que cette shahada, elle nous indique quoi? Elle nous indique l'exclusivité, l'ikhlas, l'adoration d'Allah jalla wa ala seul. Et ça, c'est le sens de quoi? De l'ithbat. Donc, c'est une indication sur une partie du sens de la shahada. L'autre partie, c'est quoi? Elle nafie le rejet du shirk. Il dit, fait tafsir, taratan bi dhikri ma tahta al-lafz min ma'nan, wa taratan bi dhikri al-did wa al-munafi. Il dit, at-tafsir, l'explication, le fait d'expliquer une chose, le sens de quelque chose, ça se fait de deux manières. Soit en expliquant ce que ce mot-là ou ces mots-là veulent dire, en donnant leur sens, soit en citant quelque chose qui va contredire, qui va annuler ou qui va tronquer ces mots-là. Donc ici, concernant le sens de la ilaha illallah, soit on explique ce que c'est la ilaha illallah directement, soit on va citer des choses qui l'opposent. Parmi les sortes du shirk, et c'est ce que le shirk il a fait ici dans ce chapitre, et ce qu'il a fait de manière globale dans tout le reste du livre. On va voir qu'à la fin de ce chapitre, le shirk il dit que tous les chapitres qui suivent ce chapitre-là, donc le chapitre numéro 6, l'explication du tawhid, que tous les chapitres qui suivent ce chapitre-là sont une explication de la ilaha illallah. Parce que le shirk, il va citer quoi? Il va citer beaucoup de sortes de shirk, que ce soit du shirk akbar, qui annule la base de l'islam, la base de cette shahada, ou parmi des sortes de shirk asrar, qui vont tronquer, qui vont diminuer le tawhid de la personne, donc qui vont toucher à ce qu'on appelle l'iman al-wajib, et même certaines bid'a qui amènent au shirk, comme le fait l'adoration auprès des tombes, etc. Ou certains péchés qui vont avoir un impact, comme on l'avait vu au début du livre, sur l'ikhlas et sur l'yaqin de la personne. Et qui peuvent, à force, de manière, quand ils sont faits, les péchés de manière répétée, diminuer le tawhid jusqu'à, au final, l'annuler. Quel péché s'amène? Le fait de persévérer dans le péché, ça diminue la foi et ça pousse la personne vers le kufr, même si le péché en lui-même n'est pas du kufr. Difain qil, on connaît la règle, ou abididdiha tetabayyanu l'ashya. Des fois, pour expliquer un mot, même ça, on le fait dans toutes les langues, même en français ou dans n'importe quel domaine, pas que dans le domaine de la religion. Des fois, qu'on veut expliquer un mot et qu'on ne sait pas l'expliquer en citant son sens directement, on va citer le contraire. On va citer ça, ah, tel mot, ouais, en fait, c'est l'inverse de ça. Pour expliquer le mot, on va donner son contraire, son inverse. Donc là, c'est la même chose. Pour expliquer le sens de la ilaha illallah, le shirk parfois il va citer des choses qui la contredisent parmi les sortes du shirk. Et on va le voir, et c'est ce qu'il a fait dans ce chapitre-là, dans le premier verset qu'il cite, où le shirk va expliquer le shirk ad-du'a, le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre que l'invocation d'un autre qu'Allah jalla wa ala, ça contredit le tawhid. Ça montre quoi? Que le tawhid, c'est l'unicité d'Allah jalla wa ala dans l'adoration, entre autres. Donc c'est expliquer la ilaha illallah en montrant une chose qui va le contredire. Pour expliquer que l'ithbat dans cette chose-là, donner cette chose-là à Allah subhanahu wa ta'ala seul, ça rentre dans le sens de la ilaha illallah et dans le sens du tawhid. Ici il fait une remarque. Il dit فَإِنْ قِلْ قَدَّمَا يَعْنِ الْمُصَنِّفُ في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد فما فائدة هذه الترجمة قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة والحج والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين. Si quelqu'un il peut faire la remarque que dans dans le premier chapitre du livre, le Shir, il a déjà expliqué le sens de la ilaha illallah. On se rappelle qu'au début du livre, on avait dit que les ulama, après le Shir, donc après que le Shir il a écrit son livre, ils ont divergé sur ce que le Shir il a voulu montrer dans le premier chapitre. Il y en a, ils ont dit, c'est juste un muqaddima, c'est une introduction. Ce qu'il a appelé ce chapitre-là, Kitab Tawhid, comme une introduction. Il a commencé, il a mis la basmala, il a tout de suite mis des versets et des hadiths. Il y en a d'autres, ils ont dit non. Dans ce chapitre-là, il a voulu expliquer le sens, il a voulu expliquer le sens du tawhid. Il y en a d'autres qui ont dit non. Les versets qu'il a cités, ça montre le hukm, le statut du tawhid dans la religion, son importance et que c'est la chose la plus importante dans la religion. Et ici, le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, il dit que même si on prend en compte que dans le premier chapitre, et c'est ce que lui voit, c'est son avis, que dans le premier chapitre, on avait dit aussi, c'est l'avis de Sulayman Ibn Abdillah, celui qui a expliqué en premier ce livre, Kitab Tawhid, dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid. C'est ce qu'il voit aussi. Que dans le premier chapitre, le Cheikh, il a voulu expliquer le sens du Tawhid. Et que ce chapitre-là, qui vient donc en sixième, le sixième chapitre, c'est le fait d'apporter d'autres ayahs, d'autres versets, d'autres hadiths qui expliquent de manière plus détaillée le tawhid et qui montrent certaines formes de shirk supplémentaires qui vont annuler, qui vont contredire la base de cette shahada et qui vont contredire le tawhid. Donc c'est comme une explication plus approfondie des versets qu'il a cités dans le premier chapitre. Et ceux qui ont dit non, il y en a qui voient non, que c'est d'une manière globale, dans le mutun al-ilmiya, en général, les ulama, ils ne citent pas deux fois la même chose. Et ça rejoint l'avis qui dit que dans le premier chapitre, ce que le Shir a voulu montrer, c'est le statut du tawhid et que c'est la chose la plus importante dans la religion. Et dans ce sixième chapitre, il va expliquer le sens du tawhid. Allahu a'lam. Al-Muhim, ici il dit non, donc ici le Shir cite un premier verset. Donc, qui a pour but d'expliquer encore une fois le sens de cette shahada. Et donc, il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Isra. Donc, wa qawlu ta'ala Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Donc, dans dans Sourate Al-Isra, donc je regarde juste parce que j'ai la traduction avec moi. Donc il a cité le verset de Sourate Al-Isra, verset Allahu Alam 57, il me semble. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes. À qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur? Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc on va comprendre pourquoi le Cheikh, Inch'Allah, il a cité ce verset. Ici, le Cheikh Ibn Qasim, il dit « يَتَبَيَّنُوا مَعْنَ هَذِي الْآيَةِ » بالذكر ما قبلها وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. Donc ici on comprend le sens de ce verset là en citant le verset qu'il y a avant. En citant le verset qu'il y a avant. Le verset qu'il y a avant, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah il dit قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Allah dit, invoquez ceux que vous prétendez, c'est-à-dire ceux que vous prétendez être des divinités, les fausses divinités, vos divinités, en dehors de lui, en dehors d'Allah. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le changer, de le détourner. Donc ça, c'est le verset qui est avant que le verset, qui est avant que le verset, que le shir, il a cité. قُلِ دِعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. Donc Allah Jalla wa'ala, il dit au prophète sallallahu, il s'adresse, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mushrikin, invoquez ceux que vous prétendez en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah, ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Il dit, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ دُرْ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ. Il ne possède ni le moyen de dissiper, c'est-à-dire de retirer, de vous enlever votre peine, votre malheur, ou votre mal, ni de le détourner vers quelque chose d'autre. Et ensuite, Allah dit, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Et la suite du verset, ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc ça c'est dans sourate Al-Isra, les versets 56 et 57. Ici le Cheikh Ibn Qasim nous dit, وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم صيغة عموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد Donc ici la parole d'Allah dit invoquez ce que vous prétendez. Ici, on a deux umum. On a deux choses qui indiquent la généralité. Ici, on a la première chose, qulid'u. Ça, c'est très important. Qulid'u, ud'u, al-waw. Ici, on sait qu'il est fa'il. Ud'u, al-waw, il est sujet. Et on sait que les ulama de l'usul, encore une fois, en se basant sur la compréhension de la langue arabe, ils estiment, ils disent que ce « wow » ici, il profite quoi ? La globalité, la généralité. C'est-à-dire que, ici, le verset, il englobe n'importe quel « da'in », n'importe quelle personne qui invoque. C'est-à-dire que le verset, il n'est pas destiné simplement aux mushrikin de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels ces versets ont été révélés. Parce que ça aussi, c'est une des grandes choubaha des savants du shirk d'aujourd'hui et de ceux qui essayent de protéger les gens du shirk, de dire que tous ces versets-là, que le shirk Mohammed rahmatullah alayhi, ou que les du'at d'avant, ou que les savants d'avant ont utilisé pour excommunier des gens qui disent la ilaha illallah, mais qui commettent du shirk akbar, ils disent que ces ulama-là, comme le shirk Mohammed rahmatullah, ils utilisent des versets qui sont descendus sur les mushrikins, c'est-à-dire sur des gens qui ne disaient pas la ilaha illallah, alors que les gens, nous, on dit la ilaha illallah. Certes, ils adorent les tombes, certes, ils vouent certaines adorations à un autre, à d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils disent la ilaha illallah. Et ces versets-là, ils sont descendus sur des mushrikins, sur des adorateurs d'idoles ou sur des adorateurs de comme on va le voir ici, de gens pieux ou de prophètes ou d'anges, mais que c'est pas des gens qui s'attribuent à l'islam et c'est pas des gens qui disaient la ilaha illallah. Donc c'est comme ça qu'on répond à ces gens-là, c'est que la majorité des versets qui concernent le shirk et qui concernent les mushrikines et qui concernent le fait qu'Allah Jalla wa'ala il a jugé de leur mécréance et qu'il les a excommuniés, c'est des versets qui viennent avec desquels on comprend la généralité, la globalité, et ça de par la langue arabe. C'est pour ça ici on a dans ce verset-là, on a deux, ce qu'on appelle deux umum, deux choses qui nous montrent que le verset il est global, il est général et qu'il englobe toute personne qui rentre dans ce verset-là. Donc Qulid da'u, le waw ici il est fa'il. On a fait un peu de grammaire aussi, que le waw ici il est fa'il et que ça c'est une sorte de. C'est un mot ou une lettre qui nous montre la généralité. Qulid da'u, ça c'est adressé, comme on va le voir après dans la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah. Ça englobe n'importe quelle personne qui invoque en dehors d'Allah une autre divinité. Il rentre dans le verset. Que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl ou Abu Lahab ou un autre, ou que ce soit n'importe quel mouchrik à notre époque qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset il l'englobe. C'est ce qu'on appelle l'umum, ce que les ulama ils ont appelé l'umum al-lafzi. Ou c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on aussi la fameuse règle dont on a tous déjà entendu parler, l'ibra bi'umum al-lafz la bi-khususi sabab. On prend en compte la globalité du mot, pas le sebeb, la cause de révélation. Même si ces versets-là, ils ont été révélés concernant les mouchrikines ou par cause des mouchrikines, des adorateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que l'ayah, il n'est valable que pour eux. Mais toute personne qui invoque un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre dans le sens de l'ayah. Ce qu'on appelle ici l'umum al-lafzi. Et la deuxième généralité, ou la deuxième chose qui nous montre que ce verset-là, il est global et qu'il englobe tout ce que ces mots, les mots que composent le verset englobent de sens, c'est Al-Ladhina. Quli d'u Al-Ladhina. Ou d'u, ça englobe toute personne qui invoque. Al-Ladhina. Ça englobe toutes sortes d'adorés. Quelle que soit la sorte de celui qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit un homme, un ange, un djinn, un prophète, un mort, etc., tout rentre là-dedans, dans Al-Ladhina. Parce qu'on sait que Al-Mawsoulat, Ism Al-Mawsoul, ça rentre aussi dans Al-Umum, chez l'Usuli. Al-Ladhina. Tous les versets, on voit Al-Ladhina. Ou men lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Ou men lam yahkum, qui que ce soit, men lam yahkum, men ismi aussi, ça le mot ici c'est ism shart, mais ça c'est des mots ça qui profitent à l'umum, la généralité, la globalité. C'est-à-dire n'importe qui se décrit par cette sifat là, le fait de ne pas juger ou de ne pas gouverner avec la loi révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre dans le sens du verset. Même si le verset à la base, il y en a certains qui viennent de la même manière, qui disent, oh, le verset il a été révélé sur les juifs. Pas sur les gens qui disent, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ok, mais le verset il est âme. Il profite la globalité, on comprend du verset la globalité. De par où? De par la langue arabe. Man ism shart. L'ism shart yufid l'umum. Donc ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour ça que le cheikh, il dit « Quli d'u alladhina za'amtum sighatu umum shamila kullama da'uwin min dounillah min al-andad waragabu ilayhim fa'innahum ya'ani jami' man yud'a min dounillah » Donc ici, il a parlé de l'umum, de la globalité concernant al-mad'u, concernant celui qui est invoqué. Mais on a aussi la globalité dans celui qui invoque, comme on l'a dit, dans le mot ud'u, al-waw yufid al-umum chez l'usuliyin. Al-waw ici, qui est sujet, ud'u. Le waw, c'est le sujet. Et le sujet comme ça, le damir, muttasil, mabni ala al-sukun fi mahalli al-raf'h, fa'il. Chez les ulama de l'usul, ça On comprend ça, l'umum, c'est-à-dire ça concerne n'importe quelle personne qui invoque, comme on va le voir, inshallah, dans la parole d'Ibn Taymiyyah, un peu plus loin, inshallah. Et donc, qui dit que ça englobe, là ici, il vise al-ladhina. Ça englobe toutes sortes d'adorés, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quli da'u, donc invoquez-les et espérez en eux ce que vous recherchez. Il dit, fala yamlikuna kashfa durri ankum, ay bil kulliya. Ils ne possèdent pas le pouvoir de vous retirer ou de dissiper votre mal de manière totale, bil kulliya. Wala tahwilan ay wala yuhawwilunahu ila ghayrikum. Ils ne possèdent pas, c'est-à-dire ces fausses divinités d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne possèdent pas le pouvoir de les transférer vers quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas le dissiper ou de changer leur état. Un mal, un moindre mal, ou de transférer un mal d'une personne à une autre, ou de le dissiper de manière totale. Toutes ces fausses divinités en dehors d'Allah ne possèdent pas ce pouvoir-là. Et que celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui possède ça. C'est celui qui possède le fait nef ou dur, le fait de pouvoir profiter et de pouvoir nuire par lui-même. C'est pour ça qu'il dit: Inna allazi yaqdiru ala dhalik huwa Allah wahdahu la sharika la. Celui qui est capable de cela, c'est Allah jalla wa ala seul. Il dit: Fa huwa fasababiyya fa huwa al mustahiqu. Et donc c'est lui, par cela, par le fait, comme on l'a dit avant, que ce soit le seul qui possède le pouvoir de faire ceci, c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul qui mérite à ce qu'on lui voue notre culte et à ce qu'on lui voue toute forme d'adoration. C'est-à-dire ceux qu'ils invoquent. Yad'ouhum ahlu shirk, c'est-à-dire ceux que les gens du shirk, que les mouchrikoun invoquent. Ici, yad'ouna, on sait que la dua, elle est de deux sortes. Ce qu'on appelle dua al-mas'ala ou dua al-ibada. On le reverra encore, inshallah, dans le livre. Mais on a vu que la dua, elle est de deux sortes. Dua al-mas'ala, le fait de demander quelque chose. Donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Dua al-ibada, ça comprend toutes sortes, toutes les autres adorations. Dans les textes, certains ulama, ils expliquent dua par les deux sens. Ils disent que ça peut prendre les deux sens. Mais les ulama, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou Ibn al-Qayyim, disent qu'en général, ce qui est voulu par la dua dans le Coran, c'est dua al-mas'ala. Le fait de demander. Oh Allah, donne-moi ceci. Oh Allah, donne-moi cela. Etc. Donc ici, yad'ouna ahl shirk. C'est-à-dire ceux-là, ceux qu'invoquent les gens du shirk. Mimman la yamliku kashf dur wa la tahwila. C'est-à-dire parmi ceux qui ne possèdent pas le pouvoir de pouvoir dissiper le mal ou de pouvoir le détourner. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, ici, c'est ce qu'on appelle sifatun kashifa. Sifatun kashifa, c'est-à-dire que il faut pas comprendre qu'il y a des fausses divinités qui peuvent faire ça et des fausses divinités qui ne peuvent pas le faire, et que les fausses divinités qu'on ne doit pas invoquer, c'est ceux qui ne peuvent pas le faire, mais ceux qui peuvent le faire, on a le droit de les invoquer. Évidemment, il faut pas comprendre ça. Ici, sifatun kashifa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute fausse divinité est incapable de dissiper un mal ou de le détourner. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme il l'a dit avant, que le seul qui est capable de faire ça, qui a le pouvoir de faire ça, c'est Allah Azza wa Jal, et donc c'est le seul à mériter l'adoration. Lui seul, sans aucun autre associé. Sans aucun associé. Et ici, il dit... Et on va voir pourquoi le shir, donc ici, clairement, comme on va le voir, comme il va le dire après, le shir ici, il est en train de parler de quel genre de shirk. Il est en train d'expliquer la ilaha illallah, en montrant que la doua, l'invocation, c'est quelque chose qui est un droit d'Allah Jalla wa Ala. Que l'invocation ne doit être vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui donne l'invocation à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis le shirk akbar. Et donc que le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'invoquer Allah seul. Et que ce qui contredit le tawhid, mais la base du tawhid, c'est le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est shirk du'a. On sait que le shirk, quand on regarde ce qu'on appelle bil-istiqra wa tatabbu', quand on suit le Coran et la Sunna, on voit qu'ils se divisent en plusieurs sortes. Et on va voir que dans le chapitre, le shirk, il a cité les différentes sortes de shirk. Et qu'ici, il nous parle de shirk du'a. Mais le shirk, c'est pas pour rien qu'il cite. C'est pas pour rien que le shirk cite ce verset-là en particulier. Il y a plein de versets qui concernent la du'a dans le Coran. Mais c'est pas pour rien que le shirk, il cite ce verset-là en particulier. Et on va le voir maintenant pourquoi. Ici, il dit أي يدعوهم أهل الشرك أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم عباد أمثالهم مقهورون مربوبون عباد يعني هم عباد أمثالهم وأمثالهم مقهورون مربوبون. Et donc leur divinité parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les gens pieux et autres sont des serviteurs d'Allah Jalla wa Ala. Ils sont sous son commandement et ils sont sous son commandement et sous son al-qahr, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, sous sa domination. Allah, il fait ce qu'il veut d'eux. Et donc, par cela, il ne mérite pas l'adoration. Celui qui mérite l'adoration, c'est le wahid al-qahr. C'est pas le maqhur. Jayid. Mais ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est... Là, il répète encore que... Falladhina. C'est-à-dire quand il dit... أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الذين اسم موصول كما نادي avant اسم الموصول وأسماء الشرط. Tout ça c'est des mots qui desquels on comprend la globalité, la généralité, ce qu'on appelle العموم, يفيد العموم. يتناول كل مدعو من دون الله. Et donc ça comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et là, on comprend pourquoi le shir, il cite ce verset-là. C'est que parmi les mouchriquines aussi, et ça, on le retrouve aussi dans les shubaha, que le shir, il cite dans Kishf Shubuhat, et les shubaha sur lesquels il a répondu dans son livre, et des shubaha qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire, on entend des gens dire ça. C'est-à-dire, les gens, ils prétendent, certains parmi les mouchriquines, ils prétendent que lorsqu'ils invoquent les pieux ou les prophètes ou les anges qu'ils vont sur leur tombe, etc., ils disent que ça, c'est pas du shirk. Mais que ça s'appelle tawassul ou istishfah ou que ça, c'est le fait de respecter le salihin, les gens pieux, etc. Et que le shirk, c'est quoi? C'est l'adoration des statues. C'est-à-dire des jamadat, des choses qui vivent pas, qui n'ont pas vécu. Et ils disent que le shirk se limite à ça parce que c'était le shirk ou c'était globalement le shirk des gens de Quraysh et des gens du peuple de Nuh, des mushrikines des communautés d'avant, et que le shirk c'est ça. Et que le fait d'invoquer salihin, les gens pieux, ça ne rentre pas dans le shirk. Et c'est pour ça que le shirk, il a cité ce verset-là. Comme délil, comme preuve que rentre dans le shirk, le fait d'invoquer n'importe quelle autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le shirk et c'est pas limité simplement à l'adoration ou à l'invocation d'El Jamadat, des choses qui sont inanimées, qui ne vivent pas. Ici, il cite une parole d'Ibn Abbas, donc dans le tafsir de ce verset-là, قال Ibn Abbas, كان أهل الشرك donc en expliquant ce verset là كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. Les gens du shirk, ils disaient, nous adorons les anges, le Messie, Isa ibn Maryam, alayhi salam, et Uzair. Donc ça, c'est le tafsir d'Ibn Abbas. Ce qui est voulu ici, le shirk, ce qu'il veut montrer, c'est que rentre dans le shirk le fait d'invoquer les gens pieux, les prophètes, etc. Ça rentre dans le shirk, puisqu'on a dit encore une fois que le verset, il nous indique quoi? La globalité, la généralité, le umum. Ça englobe toutes sortes d'invoquer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans une autre riwaya de la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu an, huma, il dit aussi, wa shams wal qamar. Donc il rajoute derrière al-malaika wal-masih wa uzair, dit wa shams wal qamar, et rentre aussi là-dedans le soleil et la lune. Ça montre quoi? Ça montre que n'importe quelle sorte de chose qui est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans l'ayah. Et ça confirme ce qu'on a dit avant, que al-ladhina ismul mawsul yufid al-umum, que ces mots-là, c'est des mots desquels on comprend la globalité. Et ça, comme on a dit, ça concerne l'ensemble ou une grande partie des versets où Allah il parle du shirk, où Allah subhanahu wa ta'ala il parle des mushrikin, et il parle de leurs paroles et de leurs actes et du statut sur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à ces actes et à ces paroles-là, c'est-à-dire le shirk et la mécréance. On trouve que tous ces versets-là, ils viennent toujours avec un sens global, avec des mots comme ça, desquels on comprend la globalité. Soit ismul mawsoul, alladhi, alladhina, ou asma'u shart, man, wa ma, etc. Donc, il continue dans l'explication du sens du verset. Il dit, walladhina hum yud'aoun. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Et donc, et ceux qu'ils invoquent, ceux que les mushrikoun invoquent en dehors d'Allah, cherchent eux-mêmes, c'est-à-dire que les invoqués, ceux qui sont invoqués, que ce soit le Messie, que ça soit les anges, que ça soit les gens pieux, dans leur tombe, morts. Ceux-là cherchent eux-mêmes à qui mieux, c'est-à-dire qu'ils concourent entre eux, comme on va le voir, comme il va l'expliquer, le moyen de se rapprocher le plus d'Allah, le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. C'est-à-dire que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, parmi ces pieux-là, parmi les prophètes, parmi les anges, parmi les gens pieux, ceux-là, ils cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire qu'ils rentrent en compétition. Quel est celui qui va se rapprocher le plus d'Allah Jalla wa Ala, en faisant quoi? En pratiquant en premier lieu quoi? Comme il va le dire après, le tawhid. C'est-à-dire ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant vouloir vous rapprocher d'Allah en les invoquant, ceux-là eux-mêmes, ceux que vous invoquez, eux, ils pratiquent le tawhid. Ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant le tawhid et en invoquant qu'Allah Jalla wa Ala. Donc comme il dit, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي يتبارون في طلب القرب يعني يتسابقون يتنافسون. Ils rentrent en compétition, les pieux ils sont entre eux, يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, c'est-à-dire dans les bonnes actions et en premier lieu dans le tawhid, les gens pieux, les muttaqoun, ils concourent les uns les autres, qui c'est qui va être le plus pieux. Et qui c'est qui va se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, فَيَطْلُبُونَ الْقُرْبُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِخْلَاصِ لَهُ وَطَاعَتِهِ فِي مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَتَرَكِ مَنَاهَهُمْ عَنْ. Et donc, il recherche à être le plus proche d'Allah Jallu ala bi l'ikhlas, bi tawhid, en pratiquant le tawhid, pas en pratiquant le shirk, et en obéissant à Allah Jallu ala dans ce qu'il leur a ordonné et en s'écartant de ce qui leur a interdit. Wa qala ibn Atiyya, c'est parmi, il a écrit un tafsir qui est une référence. Wa qala ibn Atiyya, akhbara ta'ala, أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله وتزلف إليه في أيهم. Donc Allah جل وعلا il nous informe que ceux-là qui sont adorés eux-mêmes demandent ou veulent se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. Il dit في أيهم مبتدا وخبره أقرب وأولئك يراد بهم المعبودون وهو مبتدأ وخبره يبتغون والضمير في يدعون للكفار وفي يبتغون للمعبودين والوسيلة ما يتقرب به. Bon, il parle de l'Irab du verset. En gros, le sens, c'est comme on a dit, c'est que ceux-là, les mouchriquins qui invoquent en dehors d'Allah Jalla ala ces gens pieux, ces pieux-là eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah Jalla ala par le tawhid, alors que ces kuffars-là ils donnent l'invocation à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le wasila, c'est ce par quoi la personne elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit « وَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ عَمِلَ عَمَلًا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ » C'est-à-dire « تَوَسَّلَ » « تَوَسُّل » ce qu'on appelle le « تَوَسُّل » « تَوَسُّل » il y a plusieurs sortes de « تَوَسُّل » « وَتَوَسُّل » et « شَرْعِي » Le fait de chercher à se rapprocher d'Allah, c'est quoi? C'est en accomplissant des actes qu'Allah Jalla wa'ala il aime et il agrée pour se rapprocher de lui. Il dit « وَلَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَوْلِيَئِهِ الْكَرَامَةِ جَعَلَ لِذَلِكَ وَسِيلًا » Et comme Allah Jalla wa'ala il a préparé pour ses alliés le karama, c'est-à-dire le paradis, le jannah, de la même façon Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en place, il a légiféré quoi? Il a légiféré le moyen d'y parvenir. Il a légiféré l'esbab, les causes, que celui qui les fait, il parvient à ce qu'Allah Jalla wa'ala lui a préparé comme récompense fil jannah au paradis, c'est-à-dire en accomplissant quoi? Tawassul et shar'i, tawhid wa ta'a. Le fait d'adorer Allah Jalla wa'ala seul et de lui obéir. C'est ça, tawassul et wasila. Quand il dit yabtaghuna illa rabbihim wal wasila ayyuhum aqrab. Ayyuhum aqrab, c'est qui va être le plus proche? Concours, il y a un concours entre eux. Tanafus, tasabuq. Entre al-muttaqin, pour celui qui va être le plus proche d'Allah Jalla wa'ala en l'adorant lui seul. Première chose par le tawhid. Naam, il dit wa hiya ibadatullah. Il parle encore ici de c'est quoi le wasila, c'est quoi le moyen de se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, shirk billah ou tawhid. Wa hiya ibadatullah bimtithali ma amara bih. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به رسله وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقول ويرجون. Donc il dit le wasila, c'est-à-dire le meilleur moyen de parvenir à se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, c'est quoi? C'est le tawhid, l'adoration d'Allah seul en se conformant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on retrouve les deux piliers toujours de l'ibada qui sont l'ikhlas ou l'mutaba, l'adoration d'Allah seul conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus grande la plus grande obéissance et la plus grande hasana qu'une personne peut accomplir, c'est le tawhid, avec lequel Allah Jalla wa'ala a envoyé l'ensemble des messagers. Et par lequel Allah Jalla wa'ala rapproche ses serviteurs vers lui et vers son pardon et sa et sa bénédiction et vers son agrément. Le fait qu'Allah Jalla wa'ala, il agrée son serviteur. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ces gens-là en disant وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ فَلَيَرْجُونَ أَحَدًا سِوَهُ وَلَيَخَافُونَ غَيْرَهُ. Là, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit en disant, ils espèrent la miséricorde de leur Seigneur et ils ont peur de son châtiment. Et là, on retrouve les piliers de l'ibada. On sait que l'ibada, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi l'amour et dhul, le fait de s'humilier, de se rabaisser devant Allah jalla wa ala, l'inverse de l'kibr, l'inverse de s'enorgueillir, le fait de s'aplatir devant Allah subhanahu wa ta'ala, de s'humilier. Et par amour pour lui, mais aussi en espérant sa miséricorde et en ayant peur de son châtiment. Là, on retrouve l'ibada, tous les piliers de l'ibada, le mahabba, le raja, le khawf, le dhul. Tout ça, c'est les piliers de l'ibada qu'on retrouve dans ce verset-là. L'amour, on le voit où? Yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils aiment se rapprocher d'Allah. Par amour pour Allah, ils lui obéissent en cherchant à se rapprocher de lui. Ça, c'est par amour pour Allah et pour sa récompense. Suite, ici, c'est une parole de Cheikh al-Islam, rahmatullah alayh, Ibn Taymiyyah. Quand il dit Cheikh al-Islam, comme ça, d'une manière globale, que ce soit les savants du Najd, ou que ce soit les savants du Madhhab al-Hanbali, après Ibn Taymiyyah, évidemment, ou les savants du Najd, que ce soit Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, ses élèves, ses enfants, etc. Quand ils disent Sheikh al-Islam, ils visent Ibn Taymiyyah. Par contre, il ne faut pas se tromper quand, par exemple, on lit Sheikh al-Islam, c'est chez un savant, par exemple, du Madhhab al-Shafi'i. Là, souvent, ils vont viser quelqu'un d'autre, ils vont viser souvent Ibn Hajar. Si, par exemple, l'imam al-Suyuti, rahimahullah, il dit Qala Sheikh al-Islam, il vise Ibn Hajar al-Asqalani. Sahib Fethi al-Bari. Donc, selon la personne qui parle, Cheikh ou l'islam, c'est pas toujours non plus la même personne. Mais ici, ce qui est voulu, c'est Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Donc, ici, il dit une parole très importante qui concerne ce qu'on a dit avant. On rappelle qu'aujourd'hui, encore, les mouchriquines auxquels on a affaire et qui s'attribuent à l'islam, ils disent deux choses. Ils disent que le shirk, où il pense que le shirk, il est d'une seule sorte. Que c'est le shirk que pratiquaient les gens de Quraysh. L'adoration de statues. Même si Quraysh, ils avaient d'autres shirks. Mais globalement, l'adoration de leurs idoles. Lat, wal Uzza, wa Manat, wa Hubal. Donc pour eux, c'était le shirk, c'est ça. Il y a des gens, ils pensent que le shirk, ça, c'est que ça. Et aussi, aux gens qui disent que ces versets-là qu'on utilise contre ces gens-là pour montrer que ces gens-là, c'est des gens du shirk et qu'ils n'ont pas réalisé le tawhid, ils disent oui, mais ces versets-là, ils ont été révélés à propos des mouchriquins ou des mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Quraysh. Or, c'est pas des gens qui s'attribuent à l'islam et c'est pas des gens qui disaient la ilaha illallah. Comme on a dit encore auparavant concernant le verset concernant le hukm, où Allah Jalla wa'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ils disent, ouais, mais ça a été descendu sur qui? Sur les juifs. Lorsqu'ils ont changé le hukm d'Allah, le hukm de Zina, c'est descendu sur eux. Donc, en gros, ils veulent dire ça concerne les juifs. Basta, ça ne concerne pas les musulmans, les gens qui s'attribuent à l'islam. Donc, ils utilisent ces choses-là pour épargner, entre guillemets, les gens qui commettent le shirk, mais qui s'attribuent à l'islam et qui disent « La ilaha illallah ». Donc là, encore une fois, comme on l'a dit avant, tous les versets, ou quasiment tous les versets, où Allah Jalla wa'ala, il parle du shirk, des mouchriquins, qu'il les excommunie et qu'il les réprimande sur leurs actes, tous ces versets-là, ils viennent avec une forme globale, générale, en utilisant certains mots qui veulent dire, qui indiquent dans la langue arabe la généralité, la globalité, et que ça ne vise pas qu'une seule personne. Et ça, c'est cette compréhension-là, elle est à l'unanimité des savants. Il n'y a personne qui dit que ça concerne les juifs, c'est tout. D'ailleurs, dans le verset de, dans le tafsir de ce verset, dans la parole de Salaf, on a la parole de Hassan al-Basri, il dit هَتِلْكَ الْآيَ نَزَلَتَ فِي الْيَهُودِ وَهِيَ عَلَيْنَ وَجِبَ. Il dit cette verset est descendu sur, ce verset est descendu sur les juifs et il est obligatoire pour nous. C'est-à-dire, il nous concerne nous. C'est qui les musulmans? Ouais, c'est comme ça que les salafs, ils ont compris le Coran. Donc ici, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, concernant ces versets-là qu'on a vus, il dit, فَالْآيَا خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ مَدْعُوًا. Ce verset, il concerne, il s'adresse à n'importe qui invoque un autre qu'Allah. Quelle que soit cette autre divinité en dehors d'Allah. Il concerne, il dit, tout, les kulli manda. Les kulli manda. Donc on voit bien comment ils comprennent les versets de l'ulama, ils comprennent la globalité, la généralité dans ces versets-là. Quli da'u alladhina za'amtum min duni. Quli da'u. On a dit le waw ici, le fa'il, il indique quoi? La globalité, la généralité. C'est comme ça que les ulama ils comprennent. Ça, c'est la compréhension simplement de la langue arabe. Rien d'autre. On vous rappelle que quand on dit « El-Usuliyoun », ils ont dit ceci, ils ont dit telle règle, etc. Toutes ces règles-là, quasiment, elles sont basées sur la langue arabe, sur la compréhension des Arabes de leur propre langue. Ce n'est pas des règles qui sortent de nulle part. « فَالْآيَةُ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ مَدْعُوًا وَذَلِكَ الْمَدْعُوا يَبْتَغِي إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةِ وَيَرْجُوا رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين سواء كان باللفظ الاستغاثه او غيرها فقد تناولته هذه الايه كما تتناول من دعا الملائكه والجن فقد نهى الله عن دعائهم وبين انهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويلا لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر كتغيير صفته وقدره ولهذا قال ولا تحويلا. Donc le cheikh il dit, cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit donc que ce verset-là, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il s'adresse à n'importe qui invoque, à tout le monde invoquant qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah, jalla wa ala. Et que donc ce verset-là, il ne parle pas uniquement des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoquaient leur divinité. En plus, là où c'est batil, on voit déjà dans... Ça, c'est concernant les gens qui disent que le shirk, il se réduit à l'adoration des statues, de l'jamadat, ou du soleil, de la lune. Or, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Oulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Ceux-là qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Le soleil, la lune, les statues, ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Et on voit que le ma'ana, le sens, il est badil. Ensuite, le shir, il dit. Et celui-là qui est invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il cherche à se rapprocher d'Allah par son obéissance et en premier lieu par le tawhid. C'est-à-dire que ce verset-là, il concerne n'importe quelle personne qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah et que celui qui l'invoque en dehors d'Allah, lui-même, il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Lui, il est muwahid, contrairement à celui qui l'invoque. Et qui espère sa miséricorde et qui craint son châtiment. Et là, il dit, et donc tout, n'importe qui invoque un mort ou qui invoque quelqu'un qui est absent, qui n'est pas là avec lui. Il est dans une autre ville, même s'il est vivant. Mais il n'est pas avec lui, il est ailleurs. Parmi les prophètes, parmi les gens pieux, que ce soit par l'istiratha, ceux qui vont sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même à distance, ou n'importe sur la tombe d'autres pieux, parmi les gens pieux, ya fulan arithni. On rappelle que, comme ça viendra inshallah plus tard dans le livre, al-istiratha talabul ghawth, c'est-à-dire c'est la demande de secours. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été touché par un mal. Il va et il demande à cette, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un d'autre parmi les morts ou un absent, il lui dit oh, secours-moi, aide-moi, secours-moi. Et repousse ce mal de moi. Ou enlève, retire-moi ce mal qui nous a touché. Ou l'istinsar aussi. C'est-à-dire la demande d'aide, par exemple pour repousser un ennemi, pour combattre un ennemi, pour vaincre un ennemi. Tout ça, tous ces mots qui sont utilisés dans ces invocations-là pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans ce verset-là et ça rentre dans le shirk al-akbar. Ils disent, Ya Rasulallah, arithni, secours-nous. Risawa'ana kana bil-lafzi al-istighathati ou ghayriha. Il dit, ce verset-là englobe tout cela. Parce que encore une fois, ces versets-là, ils ont un sens global, général. Il dit, kama tatanawalu man da'a al-mala'ika wal-jin. Comme il englobe ceux qui invoquent al-mala'ika ou al-jin, les anges ou les djinns. Que ce soit anges, djinns, prophètes, gens pieux, etc. Donc là, on voit bien que ça rejette celui qui dit que le shirk, c'est l'adoration des statues, déjà. Et on voit qu'ici, comment les ulama ils comprennent ces versets-là, la globalité, la généralité, n'importe qui invoque. C'est pas celui qui invoque, mais qui dit pas la ilaha illallah, qui ne s'attribue pas à l'islam, et qui ne prie pas et qui ne jeûne pas. Non, celui qui invoque, même s'il dit la ilaha illallah, qui jeûne, qu'il prie, etc. Toutes ces conditions, c'est des conditions dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre aucune preuve. Et shirk, comme on le verra tout au long du livre, inshallah, le shirk, c'est un annulant de l'islam. Et le shirk, il se pratique par le cœur, la parole et les membres, comme l'iman ou le tawhid se pratique par le cœur, la parole et les membres. Et celui qui commet du shirk, il est mushrik, puisque le shirk, l'akbar du moins, et le tawhid ne se réunissent pas dans une seule et même personne. Le shirk, il annule le tawhid comme le fait, par exemple, d'uriner annule les ablutions. De la même manière. De la même manière que la salat a des annulants, de la même manière que le wudu a des annulants, de la même manière le tawhid, l'iman a des annulants. Et parmi les plus grands annulants de l'Iman, c'est quoi? Et Shirk al-Akbar. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette dua-là. Et Allah jalla wa ala, il a montré que lui seul détient le pouvoir de repousser un mal, de retirer un mal de quelqu'un, ou de le changer, de le transférer, ou de le diminuer. Wala tahwilan. Donc, encore une fois, comme il l'a dit dans l'introduction du chapitre, on va voir que le shir, dans ce chapitre, il montre le sens de la ilaha illallah, soit en expliquant directement son sens, avec d'autres versets, comme c'est le cas dans le verset suivant, où il parle Ibrahim ou d'Abihi ou Qawmi, ou en citant des versets qui montrent les différents genres de shirk qui existent et qui contredisent la base de, qui contredisent cette shahada, en la détruisant totalement. Qu'il va citer plus loin après le shirk dans l'amour, ou min al-nas, mi yattakhidhu min dunillahi andadan. Ça, c'est une autre sorte de shirk. Ou dans le shirk dans comme on va le voir dans l'obéissance. Où il va expliquer le shirk dans l'obéissance, shirk ta'a. Donc il va montrer que tout ça, à partir du moment où ta'a, l'obéissance, c'est à un autre qu'Allah Jalla wa Ala. Dans la désobéissance à Allah, c'est du shirk. Ça montre quoi? Ça montre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid. Ici, de la même manière, il nous a montré que l'invocation d'un autre qu'Allah, d'une autre divinité, c'est du shirk. Ça montre quoi? Que l'invocation pour Allah Jalla wa Ala seul, c'est ça le tawhid. C'est-à-dire l'explication par ce qui contredit. Comme encore une fois, وَبِدِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا, comme ils disent les ulama. En expliquant le contraire d'une chose, on peut expliquer une chose en citant son contraire. Donc encore une fois, ici, c'est comme ça qu'on répond à ces gens-là qui disent « Oui, mais tel verset, parce que ça, c'est très courant aujourd'hui. » Même chez les ulama du shirk, chez les ulama de l'irja, de tajahum, Jahmiya d'aujourd'hui, qui disent que ces versets, ils ont été descendus sur les mouchriquins de l'époque du professeur sallam, qui ne s'attribuaient pas à l'islam, qui ne disaient pas la ilaha illallah, etc. Donc on continuera inshallah la prochaine fois avec l'explication du deuxième verset, où là, le shir va expliquer le sens de la ilaha illallah en citant un autre verset. Comme on a dit, Allah Ta'ala wa Taqaddas, dans son livre, il cite des fois cette shahada par ses mots, et des fois, et c'est le plus souvent, par son sens. Pour nous montrer que ce qui est voulu, c'est son sens, et la mise en pratique de son sens, et pas simplement le fait de la prononcer. Et on arrête là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, Wallahu Alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.